j'apprends tout sur toi. Tu me dois ton fait, mon roi. Je me retrouve de toi, on détruit tout choix. Les étoiles, les années, à nos doigts. Et toi, on bouge, toi, notre square. On croit, toi, toi. Le victoire, le temps tout beau, tout droit, tout serré. On connaît de toi, on le croit.